Évaluation 2. Cahier page 45. Des vacances à la plage. Conversation au téléphone portable entre la mère et son fils, Yasser. Salut, comment c'était ce voyage en voiture? Le trajet s'est bien passé. Le paysage est magnifique. Et le séjour à la plage? Nous avons réservé dans un complexe touristique, un duplex pour 4 personnes. C'est propre et confortable, c'est vraiment super. On fait plein d'activités sur la plage. Attention aux coups de soleil. Porte un chapeau et n'oublie pas ta crème solaire pour te protéger. Est-ce que tu as fait un tour en bateau? Bien sûr, c'était fantastique. On a même pêché. Très bien, profitez-en. Au revoir. Au revoir, maman.